Bonsoir, bienvenue sur le 105.9 de Radio et les Bords. Vous êtes dans l'antichambre pour une heure d'émission, comme chaque jeudi soir, avec l'oncle Ben et moi-même Elbert. Salut Ben. Salut Elbert. Comment ça va ? Ça va toujours bien, avec un temps un petit peu pluvieux, mais on est là pour vous donner du baume au cœur. Voilà, on va se réchauffer avec de la bonne musique. Donc moi, je passerai aux platines en deuxième partie d'émission. J'ai prévu un petit mix éclectique, on va dire. Il y aura du hip-hop, il y aura des choses un peu plus funk, voire même jazz, latin jazz, que des choses assez récentes pour la plupart des morceaux. Voilà. Eh ben, très bien, on reste aussi dans le récent. Donc moi, c'est que des nouveautés. Des choses toutes fraîches, beaucoup de hip-hop, et si j'ai un petit peu le temps, quelque chose de funky. Eh bien, c'est parfait. Donc, je te propose que t'enchaînes ta sélection, et puis tu nous donneras plus de détails sur les titres que t'as joués. Eh bien, pas de souci. Allez, c'est parti. This is for the blunted and the purists, searching for the fun like a tourist, in the sound of the beats they like, you know, that raw hip-hop. It's not the sound of the masses, but the sound of those who know what's classic. They steady blast it. Yeah. You catch an attitude face when the bass kicks and snares get you open like your nose hole. Sensitive hands, because there's nothing like the SP sound. It's unmistakable and non-replaceable as a staple for raw hip-hop. It's uniform and will not stop. It keeps on in the underground. Now not that pop that brings yawns. It's the pop in the sample of them old-ass songs. Add the drums for the bump in the chest that's mad strong. Filtered samples with some ill-ass horns. Before you know it, there's a cipher that's spawned. Rare form, word is born, it's not the norm but a storm. A heavy rain in international boot camps, a hip-hop in basements. Some frown on the sound and say it's dated, but turn around and like it when a known legend makes it. Frontin' to the highest degree, you can't deny the gritty awesome legendary hype sounds of the SP. There's nothing like the SP sound, it's unmistakable. The hungry MC's desire that got the flow to. You gotta have it in your setup in the studio. There's nothing like the SP sound. The hungry MC's desire that got the flow to. Gotta have it in your setup in the studio. The tracks are raw, groove sounding better when you're stoned and leave you off into a zone where the chronic's not the illness. Cause it's the patterns created that drops jaws. All arrangements are the standards of passion to make the raw. In the golden era 90s, it was the one to go to. The hungry MC's desire that got the flow to. All the epitome of New York sound with lost records that's collected and Jack Turn Up found. The mean machine for the producers with a vision, giving pleasure to a hip-hop lover who steady listens. Dirty sound with a pulse you can't front on, and leave you with a good frown and sore neck, an instant connect. You either like it or you're foreign to the bang out. These beats are catered to the stay up late and hang out. Long live the independent underground movement who see and feel the power of the SP. There's nothing like the SP sound, it's unmistakable. The hungry MC's desire that got the flow to. You gotta have it in your setup in the studio. There's nothing like the SP sound. The hungry MC's desire that got the flow to. Gotta have it in your setup in the studio. No holes on the bars, the freestyling is official. When the track is the ground for MCs spitting missiles. So don't step if you can't rep. Some flows are weapons. A lot of life is in the cipher that'll teach you lessons. A tight beat and no lounge lyricism. Got the cipher live wire, the beats to be admired. Then there's the beat battles, the producers get lined up. The skull crack, the listening packs. Some mad fanatics like feeding crack addicts on the block when the re-ups are in. This beatbox delivers the speaker shivering. You gotta have it in your setup in the studio. It's not your average, better grab it, make the move. If your dough is correct and dedicated to making the raw rhythms to make the neck soar, it's down by law. Start with the click of the metronome, then build a banger that'll carry its own on the SP. There's nothing like the SP sound, it's unmistakable. The hungry MC's desire that got the flow to. You gotta have it in your setup in the studio. Give pleasure. There's nothing like the SP sound. The hungry MC's desire that got the flow to. Gotta have it in your your setup in the studio. There's nothing like the SB sound, it's unmistakable. And hungry MC's desire that got the flow to. You gotta have it in your setup in the studio. Give him pleasure. There's nothing like the SB sound. The hungry MC's desire that got the flow to. Gotta have it in your setup in the studio. Give him pleasure. 5-1000, 5-1000, 3-1000, 2-1000, 1-1000, 1-1000, 1-1000. Ready? Rock, I rock, rock for the beat. I'm up in this beat, so as the volume increases. Let me kick it, rhythm out the 9th district. Derive from the mystic, inspired to flip this style, wild witness how we gifted. Pass around physics, drop signs on the lost misfits. Shifted your thought waves, concave from the tripping. Mind slaves racing for survival to the finish. The end tested in vials, liquid is slipping. Chase the light, prayers I write that be the difference. They say that I'm tight to be specific, appraising my mic like fine vintage. Yet I'm the new evolution's apprentice, representing the proper methods when I spit it. So pay attention, ain't no limits to the vision, like endless horizons depicted. Decided that I could always shine if I'm trying on this spastic boom bap shit, dropping these diamonds. Know what I'm saying? Rock, I rock, rock for the beat. I'm up in this beat, so as the volume increases. I rock, rock for the beat. On the ground, people that control in the street. Rock, I rock, rock for the beat. I'm up in this beat, so as the volume increases. I rock, rock for the beat. On the ground, people that control in the street. The cipher get built. Serrated knife through the silk. Pay the price when you fight the gator bite to your skill. Life is just real, like a Tyson right to the grill. Standing mighty still, kill mics with eyes on the field. They killed Mike Trayvon, Tamir, Oscar, but still we can't chill. I'm saying let the elements converge. Slow unity was birthed over drum breaks and herb smoke. These words glow, turn focus to the next stage. Catch wreck, aim for lessons at the highest plane. With arms outstretched over plateaus. Even if I pen the 16, then relax. Pose. Mind grows on the grooves of the known rule. These poems shoot to revolve you with bold truth. Indigo waves see my soul feeling old school. But yet I still might bomb like CO2. So cool, overload flows with these pro moves. Rock, I rock, rock for the beat. I'm up in this beat, so as the volume increases. I rock, rock for the beat. On the ground, people that control in the street. Rock, I rock, rock for the beat. Is it really real? Now tell me how you feel. Kicking it so ill that it give a brother chill. Stay blunted from the scale, cloud surfing as I will. Turning with the cycles of the centuries reveal. Is it really real? Now tell me how you feel. Kicking it so ill that it give a brother chill. Stay blunted from the scale, cloud surfing as I will. Turning with the cycles of the centuries reveal. I make a song that's catchy with the Apache. We some latchkey kids that are known internationally. Only eat the snatch if it's fantastic beef. Fashionably late to a dinner date. Me and Cynic innovate, switching lanes on the interstate. Think about the cash we finna take. We grab the stash, then we grin and skate. Shit. Cause we cold like a winter day. Plus it's blustery, house filled with mice and dirty cutlery. Go ahead, fuck with me, matter of fact, fuck with us. Break your neck like bust a bus. Rhyming about disgusting stuff. At your grandma's crib, baking cookies, then I bust a nut. You suckers better pucker up, hit them with the uppercut. Cynic got the Philly shell, swell with the blunderbuss. Thunderous applause for the humble fuck. Hit them with a couple bucks, we generous, we gentlemen. My genitals been dragging on the ground, I got that heavy dick. Never let Berettas rip, but tell them about that mescaline. Excellent, cover you with colorful confetti spit. Hey yo, we rhyming sick. Ha, won't be satisfied until we signing tits and diving in vagina lips, strictly from the hard bars. Can't remember where the fucking car's parked. Standing still with Nardwar, march against the sort of car. Master of the art of war, study the terrain. Mapped it in our brain. Smash the window pane. Crash the plane. Crack the safe. Smack you in your face, son. We rhyme iller. here is the mind killer. I'm feeling great, make tapes like Bill Gates, and ill tapes filled with straight Billings Gate. Yo, they buried me alive, son, I still escaped, but I lost a fucking lung. Torque wrench under the tongue, some son of a gun's fucking with us. You catch a punch in the nuts, wake up the blackness cause you stuffed in a trunk. Me and Swell will do a hit, just for a quarter probably. Yo, I caught a body by pushing over the porta potty, whoa. La-di-da-di, we likes to party, order up the pizza, pepperoni and the sardines, you know what I mean? My crew don't do much, on the roof views plush, $200 toothbrush. Never had to move drugs, only had to spit words, drop a sick verse, hitting bitches till my dick hurts. Mixed elixirs made by a witch doctor, hit your bitch with the shocker like, shit, gotcha. Tossing in sriracha for the hotness, rock this. Only for the love, not the profit, that's obnoxious. Equip binoculars and spot them from a distance. Raps well and cynic, been a couple sin and misfits, yeah. I'm toe tagging these no-do having Frodo bagging, slow as Volkswagens eat you like Komodo dragons. My modem lagging, but I'm still watching E-Fuck with three sluts squeezing on these nuts. Son, try to keep up, yeah. We speak rough, conversating on the late night, taking bites of prey, we in the nation of the great white. Break mics on stage, I know you gon' remember this. We blow your spot up like it's London on November 5th. We blending piff with the bolly shag. Holla back, ain't no time to lollygag. Jack you with your trolley pad. You probably mad cause we zip you up inside the body bag. Rock mics in the temple of doom until the columns clap. We caught you looking off-putting, sauce cooking, lost in Brooklyn. Hear the sound of applause, now bring the hook in. Talking shit about my squad, oh my god. Shut the fuck up, y'all need to shut the fuck up. Talking shit about my crew, son, who the hell are you? Shut the fuck up, y'all need to shut the fuck up. What? Doc TMK, aye. M Ski, yes, sir. International, word. Brooklyn. Many men are boys hotting in that outer body. Heart strength's weakened, they run for cover sheeping. Out in the open like a duck still sitting. A targeted example result for bullshitting. Words are weird like some preachers in pulpits. Something that the average cat seems to be cool with. Heavy on the cool whip, that ain't E. No siree, I'm with a universal vibing mentality. Rebel label I am, so run and tell it. There ain't another way to twist the story to resell it. That's a clear symptom of the jealous who envy. They say I'm hard to get cause I'm not overly friendly. I care less and that's not a mistake. No love for the hate, that's a part of the plans to see me break. Down deep intentions are dark for harm cause. They're playing the wrong game, it's not picking straws. Down, down deep, deep, down, down, down deep, deep, down, down, down, down, deep, down, deep, down, deep. Intentions are dark, dark for harm cause. Are you sure you want a war style argument between us? Because you won't admit you wanna ride up on my penis. It shows, but you're denying what I'm seeing. So the enemy is now the position you're holding me in. Suckers always ask for the face off. Talk tough and looking the part, but harder stay soft. The macho man plan that fails quick. Lands a man laying in pain with bruising blood stains. Not my choice, but how it has to go down. Brand new being law style, slow down. It's cool to get hyped like a dope beat. Make you think you're massive in the chest and so street. Such a dangerous daydream for some. The need to catch a beating like a bass drum. So don't step if you can't rep on your threats. You intend to get your Christopher Cross friend. Fly like the wind. Down, down, deep, deep. Down, down, down, deep, deep. Down, down, down, deep. Down, deep, down, deep, deep. Down, deep. Intentions are dark, dark for hardcore. See, this is like an open letter to the closed minds. Stuck frozen in time, thinking they're the chosen. With the ultimate flows coming down like a period. Acting funny, taking self so serious. To each his own, but when you're wrong, feel charges. Drunk driving with your life as an MC. Catch you out there in deep center. You could play for the Expos and die out to where nobody knows. I rap with the full pressure, hold it down like a tourniquet. Props are game permanent, but taking it stride, I burn with desire to create the fire that gets admired and co-signed and blows minds. Kill the attitude, cause you can't serve the same and lack the nerve and game to rep the live and direct. Mike Jack. check 1-2 and then it's properly smashed. A simple task, miles away from the trash that won't last. Down, down, deep, deep, down, down, down, deep, deep, down, down, down, deep, down, down, deep, deep, down, deep, deep, down, deep, down, deep. Intentions are dark, dark, for check me out. Parlay on the day's knowledge, a straight homage. Create timeless rhymes to kick seas polish. For graffiti walls and samples of rawness. Cyphers and halls standing outside venues bombing. What I'm involved in, the culture authentic. Bound to keep a strong message till we all in it. Vision revolve 360x in it. Creative patterns from the pen embedded. That's how we architecting the rhyme structure. Divine injunction lines to puncture these busters. For the love of the underground, pumping like the heart of eternal life force. Hit me coming from the depths to the summit. Plateaus overrun with this fresh sound. Keep your head down cause they gunning. Surrounded by sheep and it doesn't feel me reach. Every verse that I speak is with substance. It's no games here, my brain remains clear. They feed us the same fear. Maintain, cheers the lessons on our journeys. Evolve early, plant seeds where the earth be. I'm trying to get spins universally. Brought the heat, rose of mercury, certainly. We're serving, gotta breathe through the urban weed. Through the breeze that you learn to keep. Move at the speed of the urban street. The perfect, most unique, original, the word is deep. As I burn and cheat, the world turns from man to an urn. The facts of life I observe, pick and choose up like upgrades. Experience heard ahead of the curve, for better or worse on this turf. While fiends on the search for their third base, we tryna shake up the game with this earthquake. No struggle. stories told in a vacuum. There is no prophecy lighting our way. There is just a lot of darkness to be afraid of. So it's a good thing we are not afraid. There is no Superman in that phone booth. There is no rewarding our faith. There is no one who can save us. So it's a good thing we don't need to be saved. There are no starships in low Earth orbit. No aliens to save us from ourselves. There is no voice willing to speak for us. So it's a good thing we know how to yell. There is no chosen one, no destiny, no fate. There's no such thing as magic. There is no light at the end of this tunnel. So it's a good thing we brought matches. Funky fresh, had a sunny rep. Blended techniques, what I come to flex. Run through my set, man, sharpened as the architect. Thoughts that bless, where the problems met. In this grid, my Logitech, lot of tech. Controllers of the simulation to the final breath. Give me that good old feeling like a vinyl press. The mono stretch, spirit healing when the signs kept. Funky, funky, like it funky. Signs project, my brothers pay attention. Read through the energy fields, heed your blessings. And keep wrecking for the culture in this presence. Remain a student, still good schooling when I grab mics. Well to the caveman, on point is the lag mites. Mad hype for the cause, catch me writing wrongs. To the grooves of the flying songs. Ride to the rhythms as we glide along. Head nodding to the beat as I light the bomb. And keep it funky, keep it funky. Funky, it funky. Like it funky, funky, funky, funky, like it funky. Smell it out the jar from the meta house of bars to the stars. Dope sounds for those near and far. Appear to vanguard tradition if you listen. Gems that I drop will always glisten. Had premonitions of position as a youth. Pushing my vision until it grew from the roots. The truth embedded inside my head so I knew that I can get that air one drop into the hoop. Through the multi dimensions of groove. Funk for the universe to calm and regroup. Drowning in the sonic waves with bolts like Zeus. To strike on a crown rap in front of the jukes. Living proof. Out the pack, spit a picture that's abstract with jazz spastics, bringing the rhythms of boom bap. A modern classic for this habitat. You gotta respect the craft, you don't have to dap. Out the pack, spit a picture that's abstract with jazz spastics, bringing the rhythms of boom bap. Give it away to the man's like I use why you can. it, can't stop, won't stop. This reciprocal movement, spit it about darkness and it reels you. It makes me happy to rap crappy to make my fans feel good. My struggle is how they relate to where I'm from. Cause whatever I can do to uplift one's day, that's the vehicle for some race from my son. But UV groupie, sicking me with the mood swing, sipping UV, hitting doobies with the cool peeps. Same goes for people of faith with no brains, running around talking about the peace like it's a doozy. Now one for artificial highs, fronting and stuff. Whether it's a belief or a drug, they both wear off, and they both cost funds. Yeah, I've tried them both, and I believe it's saying I don't know. I don't know why I believed in the glow. Bro, I've got make-believe to thank for much of my growth, but thankfully I know make-believe stunted it too. Telling me I have no self-will, then how do I rise? And I don't trust a man who smiles when kids die close by. Fly some bright pearly whites, don't disguise those guys. If I need some peace and happiness, here's what works. I thank the provider of all things, that's the earth. What we gonna do today? Kids table, I never wanted to neither. Never been a scenester because it's not sustainable. That buzz wears off, that love is deflatable. These baggy skin, sharp bone has been, never was, never will be, trying to Photoshop history. The hell I need a rap blogger's cosign for when my website gets 10 times the traffic of yours. Cut the middle man out with a machete. Ain't no flash in the pan rapper ever better than me. Well, maybe a couple are, but still, you got all these bars. What you trying to build? Yeah, I may be a nobody, but you'd be surprised how many other nobodies love me. Cause you can fight the tide or you can ride along, and I know which side I'm on. This is my family, a decade of dues paid. No matter how thirsty, we never drank the Kool-Aid. This is my family, I rap for them, and whole pitchfork will get my epitaph in 10. I said, this is my family, my pride. It's okay to burn a bridge when there's absolutely nothing on the other side. This is my family, we don't share blood, but we do break bread, so they will never break us. Voilà, la sélection de l'oncle Ben est terminée. Voilà qui était bien rafraîchissant, Ben. Et on en reparlera, mais moi, mention spéciale pour le tout dernier morceau. Là, vraiment, vraiment, j'ai bien aimé. Bah, je savais que ça te plairait. donc, on s'est écouté. Alors, on va dire trois projets. Alors, j'ai débriefé comme ça un peu en bloc. Donc, le premier projet, donc, c'est Radio Crimi, qui est une radio qui émet sur Chamonix, en Haute-Savoie. Donc, Seb Crimi qui s'occupe de ça. Donc, il diffuse. Je sais que Michel Platine aime bien parce que c'est un peu la même chose que ce qu'il fait, c'est-à-dire musique latine, un peu de hip-hop, du funk, de la soul. En tout cas, c'est assez tropical aussi. Et donc, il a décidé de monter un label et il s'est associé alors avec. La qualité du française lourd. Ah, du lourd, monsieur Doc TMK, donc on va dire le beatmaker principal, avec son acolyte Suspect au scratch. Et donc ils nous ont sorti un premier petit projet, un 45 tours, donc avec monsieur Emski des Good People, donc on ne présente plus, hein, un habitué de l'antichambre. Donc un face B, le morceau qui s'appelle Sound of the SP, qui était le premier qu'on a écouté, et un petit peu le quatrième morceau de ma sélection, c'était la face B, donc qui s'appelait Deep Down. Et donc le petit label va déjà annonce à venir un autre petit titre, alors avec un MC qu'on connaît qui s'appelle Monsieur Andy Cooper des Ugly Duckling, et toujours avec Monsieur Doc TMK à la production. Ça devrait arriver d'ici quelques mois. Toujours en 45. Voilà, pour l'instant c'est toujours en 45. Voilà, et je pense que peut-être, je sais pas, je sais que Doc TMK prépare un album. Alors peut-être qu'il sortira sur le label ou je sais pas, on verra. Ah ouais, très très très productif lui aussi. Hein. Tout à fait. Après on avait donc les Jazz Pastix, on vous avait alléché un petit peu, teasé avec les instrumentaux de certains de ces titres. Donc c'est leur nouveau projet, ça s'appelle Portals, ça sort sur le label Dusty Platters. On vous l'a parlé, on en a parlé la semaine dernière dans le top, surtout dans le top de LBR. Et donc c'est avec un MC qui s'appelle Sleep Sinatra. Et bah, c'est très court, c'est un maxi avec les instrus, les 4 morceaux, je pense, et puis des petits interludes. Et donc, on s'est écouté le morceau 1000. Ensuite, il y avait le morceau We Don't Play. Et on a eu I Get. Donc voilà. Donc, comme d'habitude, hein, de très bonne qualité chez les Jazz Pastix. Ce duo de comment ça s'appelle, de producteurs anglais, je pense. Hein. Ou oui, c'est ça, ouais. Édimbourg. Édimbourg. Écosse, non ? Écosse. Ouais, ouais, si on n'est pas bon en géographie. Et puis le troisième projet, donc, que tu as fortement apprécié, donc, c'est un petit 45 tours d'un groupe qui nous vient du Minnesota, qui s'appelle Sifu Hotman, donc, avec habituellement un producteur, un beatmaker, et puis deux MC, dont un qui est quand même assez reconnu dans le monde du spoken word, du slam. Aux États-Unis, et donc le groupe s'appelle Sifu Hotman. Ils ont donc sorti un album qui s'appelle Embrace the Sun. Ils l'ont sorti, je pense, en 2014. Et là, cette année, ils ont fait donc ce petit 45 en collaboration avec Monsieur Mister Fantastic, qu'on a l'habitude aussi d'écouter dans notre émission. Donc le producteur et puis anglais et comment dire dirigeant du label AE Production. Donc il s'est occupé du remix que tu as forcément apprécié de Embrace the Sun. Donc, c'était le dernier titre de ma sélection. Et le premier titre qu'on s'était écouté d'eux, ça s'appelait Matches. Ben, en tout cas, ouais, belle découverte. Tu nous surprendras toujours. Ben. Ah, puis même Mr. Fantastic nous a surpris en m'envoyant ça. Et je savais pas à quoi m'attendre. Et franchement, ouais, son remix m'a retourné. Donc merci à lui. Et puis on avait aussi un autre petit morceau de Jazz Pastix avec un groupe de Brooklyn qui s'appelle Pen Pals. Et je ne sais pas ce que ça va donner par la suite, mais là c'était un petit truc, une petite mise en bouche, un remix d'un groupe, d'un morceau qui s'appelle STFU. Donc voilà, c'est ce qu'on s'est écouté. C'est un peu dans le désordre, mais sur le Mixcloud de l'antichambre, quand l'émission sera mise en ligne, vous aurez la sélection dans le bon ordre. Voilà, donc je te laisse prendre la suite. Et ben moi je vais clôturer cette heure d'émission avec un petit mix, on va dire, éclectique. Il y a pas mal de rap, mais avec des sonorités plutôt funky. Puis il y a d'autres choses instrumentales. Donc je m'y colle et on revient d'ici 20-25 minutes. Bah très bien, vous êtes toujours sur les 105.9 de Radio et les Bords et vous écoutez l'Antichambre. Home of the extraterrestrial brotherhood. dealers of funky music, P-Funk, Uncut Funk, the bomb. Shit. Yeah. back at it. Been gone for a minute, now I'm back with the jump off. Goons in the club, case something jump off. You're back up for the hive, let the pump off. In the graveyard is where you get dumped off. All we wanna do is party. And by everybody at the bar Bacardi. Black Barbie dressed in Bulgari. I'm trying to leave in somebody's Ferrari. Spread love, that's what a real mob do. Keep it gangster, look out for the people. I'm the wicked bitch of these. You better keep the peace. Or out comes the beast. We the best, still is room for improvement. Our presence is felt like a Black Panther movement. 7/4 to 8, back to back. I'm sitting on chrome, 7 times black. Queen B. 2003. We make it high. Your drawers. Special delivery it's to you and yours. Man. I rep the bitches, he rep the boys. If you rep your hood, just make some noise. I got my eye on a guy in a orange coat. Yeah. Don't need no Queen Bee, got the ill deep throat. Let me show you what I'm all about. How I make a Sprite can disappear in my mouth. Whoa. Shake up the dice, throw down your ice. Bet it all, play it, fuck the price. Money ain't a thing, throw it out like rice. Been around the world, cop the same thing twice. Rub on my tits, squeeze on my ass. Give me some step on the gas. Pop the cork and roll up the hash. You know what we about, sex, drugs, and cash. Playboy pinup girl, butt naked, dressed in nothing but pearls. You wanna meet me cause you know I'm freaky and you wanna eat me cause you say I'm sexy. Got a man in Japan and a dude in Tahiti. Believe me, sweetie, I got enough to feed the needy. No need to be greedy, I got mad friends that's pretty. Chicks by the layers, all different flavors. Mafioso, that's how this thing go. Now everybody come get with the lingo. Shake your body, move your body. On the dance floor, don't hurt nobody. I'm the one to put the range in the Rover. When I'm stepping out the ring. Yo, check it out. masz butelek, tysiąc dwieście. Siedzimy, bawimy i gadamy o dupach i ledwo coś wybucha, pies czeka, ktoś puka. Lukam wiudasz jak dziurkę od klucza. No nie wierzę, jakaś nieznajoma dupa puka, to ja przez drzwi się pytam, słucham. Grzesiu, kitraj bar, jakby miała być podbucha. Otwieram drzwi, dzień dobry, buongiorno, pan Kwiatkowski. Podobno w głowie hasło, ktoś ty, skąd tu, pani sądu, to witam w oparach i bąku. Zapraszam do świata, gdzie fruniemy pod prąd. Przepraszam za bałagan, tak zostało po piątku. Koniec złych wątków, kłopotów, na dzisiaj wiem co ona chce powiedzieć, więc ja nie muszę pytać. Kwiat, grzeczny bądź, słyszę to wciąż, ej. Kwiat, grzeczny bądź, słyszę to wciąż. Kwiat, grzeczny bądź, słyszę to wciąż, ej. Kwiat, grzeczny bądź, płynę pod prąd. Kwiat, grzeczny bądź, słyszę to wciąż, ej. Kwiat, grzeczny bądź, słyszę to wciąż. Kwiat, grzeczny bądź, słyszę to wciąż, ej. Kwiat, grzeczny bądź, płynę pod prąd. Czekaj, taki jeden chciał być moim tatą. Pan kurator, co wykładał, faję na to. Marny człowiek, raczej gestapo. Od wejścia krzykno, klapno, harkno. Ty, z mordą w kolorze gaśnicy. Oprócz złych wieści do mnie nie przychodził z niczym. Od rana krzyczy, ty mnie tu nie świruj. Trzy razy nie otworzysz, to pofruniesz, synuś. A, pięknie pan, z urzędu się przestawił. Raczej chamie pan, z reprymendami. Każdy z nich ma plan, jak mnie nastawić. Choć i plan kończy się wraz z zamkniętymi drzwiami. Czekaj, jeszcze była Pocahontas. Jak spoglądasz, to rycząca pięćdziesiątka. Mówiła, z młodzieżą mam dobry kontakt. Rozmowy o niczym, rozmowy o stanie konta. Kwiat, grzeczny bądź, słyszę to wciąż, ej. Kwiat, grzeczny bądź, słyszę to wciąż. Kwiat, grzeczny bądź, słyszę to wciąż, ej. Kwiat, grzeczny bądź, płynę pod prąd. Kwiat, grzeczny bądź, słyszę to wciąż, ej. Kwiat, grzeczny bądź, słyszę to wciąż. Kwiat, grzeczny bądź, słyszę to wciąż, ej. Kwiat, grzeczny bądź, płynę pod prąd. Budują mój świat palcem za biurka. Nowy porządek ład dali na podwórka. Moje życie wjeżdżają z buta. To ja się pytam, gdzie w tym jest nauka. Przedmowa młodzież, pozamykać wszystkich. Tak mówią ci, którzy mają z tego korzyści. Jedyny pomysł to penitencja. Moja wolność w rękach jakiegoś mędrca. Wolność warta tyle co mandat. Chcą dać coś od siebie, ale najpierw muszą zabrać. Awaria systemu od lat 80. Na linii człowiek, prawo, nieustający konflikt. Za mało chcących ludzi z misją. Tych, którzy chcą pomagać, nie tylko źle życzą. Chcesz świat naprawiać? Zacznij od siebie, zdejmij maskę władzy i zmierz się z problemem. Kwiat, grzeczny bądź, słyszę to wciąż, ej. Kwiat, grzeczny bądź, słyszę to wciąż. Kwiat, grzeczny bądź, słyszę to wciąż, ej. Kwiat, grzeczny bądź, płynę pod prąd. Kwiat, grzeczny bądź, słyszę to wciąż, ej. Kwiat, grzeczny bądź, słyszę to wciąż. Kwiat, grzeczny bądź, słyszę to wciąż, ej. Kwiat, grzeczny bądź, płynę pod prąd. Et bien voilà, c'est la fin de ma sélection un petit peu périlleuse, on va dire. Mais non, on te pardonne tout. Ouais, bah écoute, j'espère bien, hein, l'essentiel c'est de se faire plaisir. En tout cas, voilà, j'ai voulu un petit peu varier les styles. On s'est écouté 8 morceaux, donc pas mal de choses récentes. Il y a des choses un peu plus vieilles aussi. Les choses récentes, on a commencé avec certaines d'entre elles. Le tout premier morceau, c'était un edit du producteur DJ Joran Bombay. Le morceau s'appelle Break Edit. Il a laissé aussi planer le mystère autour du titre avant sa sortie. Et c'est un morceau de Marvin Gaye dont je pense que c'est tiré de la BO de Trouble Man, un film de Black Exploitation. Et je pense que c'est T-Play Cool, si je dis pas de bêtises. Ok, et ça nous vient donc du label Soundway Recordings, dont on parle aussi régulièrement dans l'antichambre. Et dont on reparlera très bientôt. Donc, on attend ça avec impatience. Ensuite, on a écouté le morceau qui sonnait assez P-Funk. Et bien, c'est normal, puisqu'il y avait George Clinton et son Funkadelic avec un duo de producteurs qui nous vient de Boston, des producteurs plutôt house disco qui s'appellent Soul Clap. Donc, ils ont sorti ce petit morceau en 45 en toute fin d'année dernière. Et le titre s'appelle Pip This et ça vient du label Soul Clap Records. Un bon petit morceau qui met de bonne humeur, je trouve. Ensuite, on est parti du côté du label anglais True Thoughts et du producteur TM Juke, un des producteurs, on va dire, qui a beaucoup travaillé avec True Thoughts il y a une dizaine d'années, on va dire, dans les premières heures du label, qui a beaucoup travaillé avec Alice Russell notamment. Et là, c'était le morceau Skin avec le MC Rup au micro. Ensuite, on est resté du côté de l'Europe avec Red Aster, qu'on connaît aussi sous le nom Freddy Krueger, producteur, remixeur émérite. Et là, c'était le morceau The Get Down, donc qui nous vient du label Gam. Là, ça remonte un petit peu, c'était en 2003. Je crois que c'est le deuxième disque sorti sous le nom Red Aster. Donc voilà, ça remonte et il en a fait bien d'autres depuis. Et ensuite, on est revenu sur des choses plus récentes avec Gerardo Frisina, le jazzman italien. On a beaucoup parlé de son album quand il est sorti en 2014 sur le label milanais Schema Records. Donc là, c'était un autre titre extrait de cet album et le titre s'appelle Moving Shadows. Ensuite, eh bien, on était encore en Italie, cette fois du côté de Bologne, avec un trio de musiciens qui s'appelle The Bank. Pour l'occasion, c'est bien des Italiens, même si le titre du morceau qu'on s'est écouté sonne allemand, puisqu'il s'appelle Prinz Lauberg am Sonntag. C'est un morceau extrait de leur album Europa Center, qui est sorti en 2014 et même qui est sorti en vinyle l'année dernière. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce groupe, qui a vraiment une bonne énergie. C'est très afro-funk. Et d'ailleurs, les trois membres, en fait, ont passé beaucoup de temps à Lagos, au Nigeria, donc c'est là-bas qu'ils ont fondé leur histoire. Et puis les deux derniers titres, on est parti du côté de la Pologne avec un groupe de producteurs Break Da Funk et le titre Curator, donc j'imagine qu'il était rappé par MC Kfiat en polonais, même si il y avait débat dans les studios, parce que c'est vrai que ça ressemblait un peu à du japonais, mais voilà, le mystère est complet. En tout cas, c'était Break Da Funk qui a sorti un bon petit EP en 2011 sur le label Funky Mamas and Papas, qu'on vous recommande. Et puis le dernier morceau, c'était Azagaya, on en a beaucoup parlé l'année dernière parce qu'on l'avait reçu à l'occasion d'Urban Jam, donc c'était le morceau instrumental American Princess qu'on retrouve donc sur son album Light of Dawn qui nous vient du label Jakarta. Voilà, je pense que je vais pas m'étaler plus, il reste quelques une ou deux minutes pour aller se glisser un dernier petit morceau. Ce sera encore le label Schema Records de Milan, ce sera un producteur d'origine danoise cette fois, c'est Alex Poudou et on écoute le morceau Hot Stepper, donc sorti tiré de son album Soul Tiger qui est sorti l'année dernière. Donc voilà, on se dit à la semaine prochaine, au rendez-vous de l'antichambre sur les 105.9 de Radio Hellebore. Bonne semaine. Allez, à tous. Ciao. Thank you.